Mais suis-je belle quand je me lève le matin? Est-ce que je sens la chèvre? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai froid? Et est-ce que j'ai des lèvres? Au bord du lac des impatients, est-ce qu'on m'attend pour une vaisselle?